Les ventes flash de printemps Amazon, c'est maintenant. À vous les super économies sur une enceinte Bluetooth. C'est le genre de vente flash qui donne envie de danser. De virevolter. De tourbillonner. Oh non! Vous pourriez aussi économiser sur une machine à coudre. Que ce soit une enceinte Bluetooth ou une machine à coudre, faites de super économies pendant les ventes flash de printemps Amazon. Jusqu'au 25 mars. Dans la limite des stocks disponibles. Hormis Saint-Denis et ses rois, Vincennes et son château, les villes à proximité de Paris ne semblent pas avoir de passé, voire même d'histoire. C'est le cas de Neuilly, par exemple. Toutefois, sous le goudron et le béton, des archéologues exhument la mémoire de ces cités. Ainsi, sous une bretelle autoroutière, dans la boucle de la Seine et au cœur de Nanterre, dort une cité gauloise, peut-être capitale des Parisiens, bien avant la Lutèce romaine implantée à Paris. Nicolas Samuelian, bonjour. Bonjour. Archéologue à l'INRAP, chercheur dans l'UMR temps, vous êtes responsable d'opération et travaillez notamment sur la période moderne. Mais dans une autre vie d'archéologue, à Jérusalem, vous étiez préhistorien des périodes récentes du Proche-Orient. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, puisque vous dirigez actuellement une fouille à Sartrouville, fouille somme toute particulière, puisqu'il s'agit d'un moulin. Plusieurs moulins à eau implantés sur des cours d'eau ont été fouillés. L'un d'eux est d'ailleurs totalement reconstitué dans le projet du château de Guédelon. En revanche, Nicolas Samuelian, la fouille de moulins à vent serait beaucoup plus rare en France ? Oui, elle est relativement rare, notamment parce que ces moulins à vent étaient essentiellement en bois et qu'il n'en reste pas, pour nous archéologues, il n'en reste pas grand-chose. Et la chance que nous avons là à Sartrouville, c'est qu'il s'agit d'un moulin en pierre. Et donc, il reste encore toute la couronne en pierre qui fait 8 mètres de diamètre et qui est encore conservée sur 3 mètres de hauteur. Et donc, on a encore pas mal d'éléments architecturaux qu'on peut étudier. C'est intéressant, c'est un moulin en fait qui est constitué de deux anneaux l'un dans l'autre. Il y a l'anneau extérieur, donc 8 mètres de diamètre, comme je disais. Et à l'intérieur, on a un autre mur qui, lui, formait une voûte, donc qui était le mur de la cave voûtée. Et ce qui est intéressant également dans ce cas, c'est qu'autour de ce moulin a été construit une butte pour le maintenir. On est déjà sur un promontoire, on est sur un plateau. Et on a construit en plus une butte artificiellement. Et ce qu'on retrouve en fouillant les strates, c'est que ce moulin a été construit dans une couche charbonneuse qui est sans doute le résultat d'un incendie, puisque dans cette couche charbonneuse, on retrouve de nombreux petits éléments métalliques, sans doute des éléments de fixation de type clou, voire rivet, et qui sont sans doute issus d'un incendie et qu'on imagine être l'incendie d'un moulin primitif et d'un moulin en bois. Et ça fait écho à ce qu'on a trouvé accolé au moulin en pierre qu'on est en train de fouiller. Ça fait écho à la découverte d'un paratonnerre. Ça, c'est complètement, quasiment inédit, puisqu'on a très peu d'exemples archéologiques de paratonnerre. Et ce paratonnerre, il est donc là pour éviter de prendre la foudre. Et peut-être que, suite à l'incendie de ce moulin en bois, a été construit un moulin en pierre équipé d'un paratonnerre. Votre paratonnerre, il date de quelle époque ? Ben, on ne sait pas encore. Là. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait que ça a été inventé au milieu du 18e siècle, et on sait que l'activité de ce moulin s'arrête au milieu du 19e siècle. Donc voilà, c'est pendant ces 100 années. Et qu'est-ce que vous en avez retrouvé du paratonnerre ? Ben, on retrouve une sorte de foyer. Au départ, on a cru que c'était un foyer, parce que c'est une petite cavité dans laquelle on a trouvé de nombreux charbons. Et en fouillant, on a retrouvé une espèce de goulotte, une espèce de cheminée qui commençait à monter le long du moulin, mais sauf que la partie supérieure du moulin ayant disparu, on n'a pas la suite. Donc ça fait comme une conduite de cheminée, sauf qu'on s'est dit, tiens, c'est étonnant, il n'y a pas de suie sur cette conduite. Et puis en fouillant cette conduite, en enlevant les dalles qui refermaient cette conduite, on a retrouvé un câble en cuivre, oui, torsadé, et qui se termine dans ce volume rempli de charbon, en fait, qui ne sont pas des vrais charbons, qui sont très très légers, qui ressemblent un peu à de la pierre ponce, et apparemment c'est ce qu'on appelle de la braise de boulanger. Mais alors, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de se renseigner plus, parce que c'est complètement nouveau. En tout cas, votre premier moulin a peut-être lui aussi été foudroyé, tout simplement. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est sur un plateau et à proximité, on a l'église Saint-Martin qui est une église qui date du 11e siècle et qui, elle, a un clocher en pierre, justement. On se demande si celui-là n'a pas brûlé également. Et c'était vraiment les seuls points proéminents sur ce plateau. C'était ce moulin plus les deux autres qui existaient dans un rayon de 100 mètres plus l'église. Donc en fait, voilà, je pense que tout ça, ça fait sens. Enfin, cette histoire de moulin ayant brûlé n'est pas improbable. C'est le quatrième moulin fouillé par l'archéologie en France. Quels sont les trois autres? Ouais, alors les trois autres, c'est un peu délicat. Il y a le moulin de Roissy en France qui a été très bien documenté par Jean-Yves Dufour. Il y a eu un moulin en Normandie à Bardouville. Et après, il y a eu d'autres moulins, mais pas très bien conservés, qui ont été appréhendés lors de diagnostics, donc qui n'ont pas donné lieu à des fouilles intégrales. Et souvent, on ne trouve que les piles sur lesquelles reposaient les sablières basses. Voilà. Donc il y a des petits bouts de moulins à droite, à gauche, mais en fait, effectivement, le nombre de moulins vraiment fouillés convenablement tiennent sur les doigts de la main. Nicolas Samuelian, la mémoire de votre moulin de Sartrouville était-elle totalement perdue ou tout au contraire? Alors, oui et non, elle était sortie de la mémoire collective, puisque quand on en parle aux gens, évidemment, personne s'en souvient, même les anciens. Sur les actes notariés de la parcelle milieu du XXe siècle, il n'est jamais fait mention d'un moulin. Par contre, la parcelle, elle, sur le cadastre napoléonien de 1820, s'appelle Les Moulins. On a à proximité la rue des Moulins, on a le chemin des Moulins, donc on a encore les toponymes. Mais cette histoire de notre moulin, elle avait disparu. Des moulins, vous dites, donc il y en aurait plusieurs? Il y en avait plusieurs. Alors au total, sur Sartrouville, il y avait 4 moulins à vent. Donc il y en a 3 regroupés dans un rayon de 100 mètres autour de notre moulin. Il y en avait un tout en bois qui lui a disparu il y a déjà assez longtemps. Et puis un autre l'a remplacé dans la rue des Moulins. Et celui-là a été transformé au milieu du 19e siècle, en fin 19e, début 20e en guinguette, qui s'appelait l'Ermitage du Moulin. Et un quatrième moulin qui lui se trouve au nord de la commune, un peu plus séparé de nos 3 moulins. Il n'y avait pas de moulin à vent durant l'Antiquité. On peut donc penser à une invention médiévale ? Tout à fait. Ça apparaît à la fin du XIIe siècle. Ça apparaît sur la façade de l'Atlantique. Donc on ne sait pas si ça apparaît vraiment soit en Grande-Bretagne, soit dans les Flandres, soit dans le nord de la France. Et puis après, ça se répand très rapidement tout au long du XIIIe siècle. Et on en trouve aussi beaucoup sur la côte atlantique, c'est ça? Oui, on en trouve sur la côte atlantique, autant qu'on puisse les identifier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, ces moulins à vent avaient un statut particulier dans le droit. Oui, il y a quand même une faille juridique quelque part, puisqu'en fait, il n'y a pas de droit sur le vent, contrairement aux cours d'eau. Où le seigneur pouvait percevoir des taxes et avait des droits sur l'eau, ce qui n'est pas le cas sur le vent. Donc en fait, ça donne une certaine liberté aux meuniers. Et donc c'est une sorte de faille, on va dire, juridique. D'où le développement plutôt du moulin à vent. Exactement. Oui, exactement. Et là, ce qui est intéressant, par exemple, dans le cas de notre moulin à vent, c'est que ce moulin à vent, il appartient à la même famille pendant au moins 200 ans, et que cette même famille possédait ou gérait les trois autres moulins à vent. C'est la famille Liébert, qu'on voit apparaître dans les registres à partir de 1660 jusqu'à 1850, où notre meunier qui s'appelle Nicolas Liébert, en 1850, sur les registres communaux, il n'est plus meunier, mais il est cité comme cultivateur. Donc à ce moment-là, en fait, les moulins vont commencer à disparaître, puisqu'ils vont être remplacés par d'autres énergies, la vapeur, puis l'électricité, et par des moulins donc industriels et plus productifs. Quelle était la vocation de ces moulins autour de Paris? Eh ben, c'était la production de farine principalement, puisqu'il fallait fournir les boulangers en farine pour produire le pain qui était donc à la base de l'alimentation, et on était aux portes de Paris. Donc il fallait nourrir toute cette population parisienne en pain. Vous êtes sur le terrain depuis novembre 2023, c'est bien ça? Absolument. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez On est sur la fin. On termine dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, nous avons donc découvert ce moulin que j'évoquais, donc cette double couronne en pierre. Et puis, on a également trouvé la maison du meunier. Donc, cette maison du meunier, elle apparaît sur le cadastre napoléonien en 1820. On voit qu'elle évolue peu jusque dans les années 70-80 où elle va être détruite. Donc ça, c'est la même maison. Notre moulin, lui, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est détruit. On sait qu'il cesse de fonctionner après 1850. Donc on ne sait pas s'il reste encore en élévation, mais probablement il est détruit milieu du 19e. Notre maison, elle, elle reste en élévation jusqu'aux années 80. Par contre, à la lumière des fouilles que nous venons d'effectuer, on s'est aperçu qu'il existe des faces plus anciennes de cette maison et qui, elles, n'apparaissent pas sur les plans. Donc on vient documenter ces phases anciennes. On a retrouvé donc une ancienne cave qui est très très très profonde, puisque la base de cette cave est à 3 mètres sous la surface. Et donc il s'agit d'une grande cave voûtée, puisqu'on a une amorce de voûte. Donc c'est un bâtiment c'est une cave qui fait à peu près 20 mètres de long, 5 mètres de large. Et cette cave, à un moment donné, elle va être abandonnée, elle va être remblayée par phases successives, et à différentes périodes, ces phases de remblaiement vont être réoccupées et réaménagées. Donc on va avoir des petites cellules qui vont être aménagées, on va retrouver des latrines, on va retrouver un toit à cochon pour les dernières phases de l'occupation. Mais quelle était la vocation de cette cave ? Eh bien, on ne sait pas. On pense que c'est un lieu de stockage parce que ça fait un gros volume. Donc, on imagine un lieu de stockage pour les activités de meunerie, hein, des sacs de farine ou de blé, mais également peut-être de tonneaux, puisqu'on est quand même dans un pays de vin à Sartrouville. Pendant longtemps, il y a eu des vignes. Il en reste encore quelques-unes, mais il y a eu aussi une grosse production de vin. Donc, sans doute une fonction de stockage. Comment marchaient ces moulins, cette machinerie ? Eh bien, il s'agit quand même d'une machinerie. Ouais, et de haute précision. Ce moulin, donc, il faut imaginer donc une base en pierre, circulaire avec un toit voûté, et par-dessus ce toit voûté, il y a une cage en bois qu'on appelle une hucherolle et qui, elle, peut pivoter. Et donc dans cette cage en bois se trouve le mécanisme qui est entraîné par les ailes, et cette cage peut être pivotée soit par l'échelle du meunier, qui est plus qu'une échelle, qui a vraiment un escalier, soit par une queue en bois qu'on peut donc orienter selon les vents, puisque là notre parcelle, elle est bien orientée plein ouest et plein nord en fonction des vents dominants. Donc ça faisait bouger une énorme meule, voilà. Et une meule qui devait être en plâtre, voilà. C'est ça. On sait pas, soit peut-être en meulière, peut-être pas forcément en plâtre. Je sais pas exactement. Le souci, c'est qu'on a aucun élément de meule, ni même de morceaux cassés qui auraient pu être réutilisés comme élément de maçonnerie. Ça, on n'en a pas retrouvé, donc on peut pas dire grand chose. Simplement, les meules devaient se trouver dans la partie basse qu'on est en train de fouiller, c'est-à-dire dans la cave. Elle était entraînée par un pivot qui est donc lui actionné par le mécanisme que j'évoquais tout à l'heure, qui était dans la partie haute, et donc cette partie évidemment a disparu. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de regarder les archives ? Oui. On a déjà pas mal regardé, puisqu'on avait fait cette fouille a fait suite à un diagnostic qui a eu lieu en octobre 2022. Et donc, à l'occasion de la rédaction du rapport du diagnostic, j'ai eu l'occasion de consulter des archives, notamment grâce à la société savante locale d'histoire de Sartrouville et du service des archives communales, qui avait pas mal de documents. Et voilà, ça m'a permis de retrouver donc le nom du meunier, de remonter l'histoire de cette famille jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et de comprendre que l'activité cesse au milieu du XIXe siècle. Et le dernier vestige, c'est ça qui est assez incroyable, le dernier vestige de ce moulin est détruit dans les années 1980. La dernière trace. Eh ben la dernière trace, oui, c'est la maison du meunier, dernière phase, hein, c'est la maison la plus récente, et comme je vous l'expliquais, il y a une maison plus ancienne dont il ne reste que les caves. Je le disais, Nicolas Samélian, vous n'êtes pas spécialiste des moulins, et cela même si les archéologues se passionnent pour les meules au point d'en faire une sous-discipline. En revanche, vous connaissez particulièrement bien Nanterre, puisque vous y avez fouillé beaucoup, et cela sur le temps long. Les carrières de sable et de pierre étaient, semble-t-il, très importantes à Nanterre. Certaines découvertes fortuites y ont été donc faites dès le 19e siècle. Oui, c'est les découvertes les plus spectaculaires et qu'on pouvait difficilement rater quand on les découvrait. Donc il y avait dans un premier temps une tombe à char qui a été découverte dans une carrière au Petit Nanterre, donc en 1899, et dont les éléments métalliques ont été ramassés et maintenant sont exposés au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Et puis quelques années plus tard, à quelques dizaines de mètres de là, dans une cour de l'hôpital de Nanterre, toujours au Petit Nanterre, a été découvert un trésor monétaire datant du 3e siècle de notre Mais il y a eu aussi d'autres découvertes fortuites qui sont des sarcophages tout autour de l'ancienne église Saint-Maurice, qui a été remplacée par l'actuelle cathédrale moderne, cathédrale Sainte-Geneviève. Et à la faveur de travaux, ont été découverts des sarcophages tout au long du 19e et début du 20e siècle. 2000 monnaies datées des alentours de 256 et désormais conservées au musée Carnavalet. Ouais. Une sorte de trésor caché durant une période trouble. Une période trouble, apparemment, comme tous ces trésors, effectivement, de périodes perturbées, d'invasion. Voilà. Alors là, je pense que je suis pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que les théories évoluent à ce sujet. Donc, je voudrais pas me lancer sur les. Là-dessus. En tout cas, il y aurait deux tombes à char. Alors oui, il y aurait une deuxième qui est suspectée sur la parcelle qui a été fouillée au début des années 2000, aux abords de l'autoroute A86. Mais celle-ci, apparemment, il n'y a plus que le négatif de cette tombe. La première, on a une idée de comment elle était. Elle date de quoi? Des années 400-300? Ouais, c'est ça. C'est quatrième ou troisième siècle avant notre ère. Et donc, elle a été démontée et conservée malgré tout un petit Oui, peu. Mais que les éléments métalliques. Hein, apparemment, il y avait des individus, il y avait pas mal de choses. Mais à l'époque, on ramassait que les objets les plus spectaculaires. Nicolas Samelian, je vous propose de partir dans le Pont-Euxin, en Bulgarie, à Zborianovo, où, voici 5 ans, une extraordinaire tombe à char était découverte avec 2 chevaux attelés en position de course. On retrouve pour l'occasion une belle archive de l'émission avec le fouilleur de cette tombe, Jordan Anatassov. Alors le char, il a été découvert dans une fosse sous un tout petit tumulus en comparaison avec justement le tumulus 30, un tumulus qui fait à peine 3 mètres de hauteur. Alors pour la Zborianovo, c'est une petite structure. Il faut imaginer 3 fosses, dont une qui a livré un char entier, déposé avec son attelage de chevaux. Le char était démonté ou il était encore monté, il pouvait encore le rouler. Char était entier. Donc, en mode d'utilisation, avec ces 2 roues en place, attachées à 2 chevaux. J'imagine que le bois a disparu et vous avez retrouvé donc les 2 bandes de métal, de fer forgé qui cerclaient les roues. Alors, effectivement, les chars celtiques gaulois étaient principalement des pièces en bois. Donc, le bois a disparu. On a des empreintes extrêmement intéressantes. Et ce qu'on retrouve, effectivement, ce sont les garnitures, qui sont des cerclages en fer. On va avoir des pièces technologiques qui avaient pour fonction de maintenir toute la caisse du char. Les clavettes. Des clavettes de roues pour fixer les roues. On a également des anneaux passe-guides liés aux joues, à harnachement aussi, les mors qui étaient dans la bouche des chevaux, des pièces décoratives aussi sur la tête des chevaux. Ce char, il date à peu près de quelle époque? On est entre 320 et 280 avant Jésus-Christ. Donc fin 4e, tout début 3e siècle avant Jésus-Christ. On voyait encore le timon au sol, par exemple. Le bois ayant pourri, sa trace était encore visible. Alors le timon, on a l'empreinte du timon, on a l'empreinte également des rayons des roues et de la caisse du char. Comment pourrait-on interpréter cette découverte? Peut-il par exemple s'agir d'une prise de guerre? Pourquoi pas? Voire peut-être mieux d'un présent diplomatique? On sait que, après tout, la tombe de Lavaux et autres avaient des objets diplomatiques. Alors, avec la présence de ce char, on est en présence effectivement d'un bien de prestige, clairement. C'est un bien de prestige qui vient de plus de 2000 km de la zone de découverte. On peut imaginer tous les scénarios, échanges diplomatiques, cadeaux diplomatiques, prise de guerre, ou simplement l'acquisition d'un objet prestigieux, à l'instar de nos véhicules aujourd'hui qu'on peut chercher très loin. En tout cas, ce char, il ressemble à un autre char, un char qu'on connaît bien et qui a été trouvé à quelques kilomètres de la maison de la radio. Exactement, les parallèles les plus proches proviennent de Nanterre, donc à plus de 2000 km de Zborianovo. Et quand on dit proche, c'est tant d'un point de vue stylistique que technologique. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a des éléments qui étaient cachés, qui n'étaient pas faits pour être visibles, mais qui dénotent peut-être même d'un même atelier d'artisan, de fabricant de chars. Même chronologie aussi? Même chronologie. C'est incroyable. Ouais. Donc ça reste encore... J'aime pas trop les mystères en archéologie, mais là on est sur une vraie problématique. On ne sait pas comment expliquer ça pour l'instant. Enfin du moins, hormis cadeau ou prise de guerre. Alors quand on trouve une découverte de ce type-là, un objet ou un véhicule du monde celte en Bulgarie, chez les Thraces, chez les Jettes, on a le réflexe d'associer ça à l'histoire qui nous apprend qu'au cours du 3e siècle avant Jésus-Christ, des Celtes entreprennent des vagues migratoires. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a tendance aussi à tenter d'interpréter ces découvertes. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Nicolas Samulian, l'extraordinaire de cette découverte, donc datée du 3e siècle de notre ère, c'est bien sûr le char, mais c'est surtout ce lien improbable entre Nanterre et le royaume Thrace, une découverte absolument extraordinaire, j'ignorais avec des secrets donc de fabrication. Ouais. Je l'évoquais en début d'émission, une grosse agglomération gauloise, contemporaine de la conquête de César, était présente à Nanterre? Oui, absolument. Au moment de la conquête, on a donc Nanterre est une grosse agglomération parisique et avec un système de voirie orthogonale, avec d'un côté des unités d'habitation et de l'autre des unités artisanales avec des activités de meunerie, de boucherie qui sont attestées. Donc c'est une grosse agglomération au moment de la romanisation en fait Nanterre va petit à petit entre guillemets décliner et va légèrement le tissu villageois va se déplacer et les activités de Nanterre vont plutôt se tourner vers des activités agricoles au moment de la conquête. Alors, on sait par exemple que Bobigny était une sorte de gros bourg. Là, est-ce que l'on est sur un gros bourg ou est-ce qu'on est déjà sur une véritable cité avec ses remparts, etc.? Non, on est quand même sur une grosse agglomération. Hein. On est sur une grosse agglomération qui a été quand même assez bien cernée, assez bien appréhendée justement au milieu des années 90 avec les travaux autour de la 86 et qu'on retrouve encore de ces dernières années à la lumière des fouilles dans le centre-ville. Donc on appréhende aussi son extension sous le centre-ville actuel de Nanterre, ce qu'on ignorait jusque-là. Cette découverte a fait grand bruit. La lutèce gauloise à Nanterre avait même fâché le maire de Paris. La proposition était donc assez iconoclaste? Un petit peu, hein. C'est sûr que ça a fâché les Parisiens. Tous les Nantériens en parlent encore hein, de cette histoire de lutèce. Le vrai sujet, c'est est-ce que l'on a trouvé de la frappe de monnaie qui pourrait justement témoigner d'un véritable pouvoir centralisé. Ça lui confère un statut politique et économique important puisqu'on a des flancs monétaires qui ont été retrouvés, des outils de frappe. Donc effectivement, c'est quand même une agglomération importante. On a aussi de l'importation de mobilier, de vases du Massif Central, des extraordinaires. Ouais. Vers 150 avant notre ère, un petit peu plus ancien. Oui. Extraordinaire, des grands pots peints. Ouais. Formidable. Ça pourrait remettre réellement en cause. C'est pas étonnant qu'on ne trouve rien à Paris. Il y a quand même un biais à Paris, c'est que à Paris on travaille sur des petites surfaces, que Paris a quand même été largement construit et faut pas désespérer. On trouvera peut-être du gaulois à Paris. En tout cas, Nanterre porte-t-elle déjà un nom gaulois? Oui, Nemetodorum, qui veut dire bourg sacré, et dont le nom a été même repris par une brasserie qui s'est installée à Nanterre et qui fait une bière qui s'appelle Nemeto. Donc c'est dans l'air du temps. Donc, bourg sacré, c'est aussi le pouvoir politique, oui. Et aussi le pouvoir religieux. Ça appuie l'idée d'une agglomération de premier ordre à l'époque des Parisiens dans ce secteur de la boucle de Gennevilliers. En tout cas, quelle est la place de Nanterre durant l'Antiquité? Est-elle déjà un satellite de la grande ville voisine? Il faut imaginer que oui. Comme je disais, je pense que en fait, Nanterre perd un peu de son importance au moment où se développe Lutèce. Et se tourne vers des activités plus agricoles, avec un tissu villageois plus desserré. En tout cas, il y avait aussi un cimetière gaulois était présent sous la ville celtique. Oui, alors il y a un cimetière qui est plus ancien, qui est du 4e et 3e siècle avant notre ère, dont on ne connaît pas l'habitat. L'habitat est à retrouver. Et la nécropole reste en partie à fouiller. Elle reste à fouiller s'il en reste encore des bouts. Et après, donc, cette occupation qu'on évoquait de la grosse agglomération qui est du 2e et 1er siècle avant notre ère, on a retrouvé des bouts de nécropole sous le centre-ville de Nanterre, un peu éloigné de notre agglomération. Donc il y a un vrai potentiel archéologique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous y travaillez beaucoup, et oui. Aussi parce que l'État prescrit beaucoup de sondages. Oui, alors déjà c'est une ville qui joue le jeu de l'archéologie préventive, hein, qui n'est pas le cas de toutes les communes, et la DRAC prescrit beaucoup aussi de diagnostics et de fouilles. Donc en fait tous les feux sont ouverts à Nanterre pour faire de l'archéologie dans de bonnes conditions. Nicolas Samélian, sous l'ancienne église, une nécropole, cette fois-ci mérovingienne, a été fouillée? Oui, elle a été fouillée en deux temps. Une première fois, il y a près de 50 ans, par Edmond Servat. Donc ça, c'était vraiment la première fouille archéologique qui ait jamais eu lieu à Nanterre. Donc ça, c'est 1973. Donc on est dans le cadre d'une fouille vraiment de sauvetage, qui a été un peu inachevée. Et puis, dans un second temps, en 2007, une fouille sous la chaussée de la rue de l'Église, qui jouxte donc la cathédrale, par ma collègue Laure Péqueur, là où la fouille s'est faite dans un cadre préventif et bien encadré. Depuis 3 ou 4 ans, c'est surtout l'époque moderne qui émerge au fil de vos interventions? Oui, absolument. Donc, à la lumière des prescriptions qui ont lieu en centre-ville, on a affaire à des vestiges de la période moderne et contemporaine. On a la chance encore à Nanterre d'avoir un bourg ancien avec un tissu villageois ancien, avec d'anciennes rues, qui datent justement de la période moderne. Et donc, dans ces anciennes cours de ferme ou dans ces jardins, on peut retrouver donc des vestiges de ces périodes-là. J'ai lu qu'au cours du XVIIe siècle, un mur était érigé autour du village. Oui, alors la ville était fermée par un mur. Il y avait 5 portes pour pénétrer dans Nanterre. Donc c'est un mur qui a été appréhendé lors d'une fouille, là aussi une fouille de sauvetage, qui était un peu la dernière fouille de sauvetage qui a eu lieu à Nanterre aux alentours des années 1993-1994, où on a pu appréhender un bout de ce mur avec le fossé, le chemin de ronde. Donc apparemment, c'était un mur pas très épais, de moins d'un mètre de largeur et qui s'élevait jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et quelle était sa vocation? Et sa vocation, elle était évidemment un peu défensive, bien que ce soit pas un mur de forteresse, pour se protéger des pillards. L'idée, c'est aussi que ce mur a été construit après la guerre de Cent Ans, où la ville de Nanterre a été en partie saccagée. Donc l'idée, c'est que ce mur a été érigé par la suite. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait un certain nombre de communes et de villages à l'époque autour de Paris qui étaient sains de murs. Et l'idée, c'était aussi de protéger le ravitaillement de Paris, puisque ces communes, alors pour le cas de Nanterre, c'était le ravitaillement en port à Paris. Donc il fallait protéger le ravitaillement de Paris, qui était donc la capitale, la grosse capitale européenne. On parlait comme les fortifs de 1870, puisque voilà, vous en avez aussi. Voilà, sauf que là, c'est les villages. On avait Argenteuil, Rueil qui produisaient du vin, qui étaient aussi des villages qui étaient fermés par un mur. Et un peu comme l'histoire du moulin de Sartrouville, qui produisait de la farine pour les boulangers parisiens. Nicolas Samélian, vous, ce que vous fouillez surtout, c'est un collège? Alors, depuis... Du XVIIe siècle, voilà, du XVIIe siècle, justement, depuis 2022. 1642. 1642, on a lancé un projet de fouille programmée dans le parc des anciennes mairies. Donc, il s'agit là d'un collège de l'ordre de Sainte-Geneviève. La petite histoire, c'est que le père Beurier est nommé en 1634 à la cure de Nanterre pour remettre un peu de l'ordre dans les affaires de l'église. Donc Nanterre dépend de l'abbaye de Sainte-Geneviève, puisque Sainte-Geneviève figure de la fin de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge et issue de Nanterre. Donc le père Beurier anime un séminaire qui rencontre un succès de plus en plus important et il décide et il demande l'autorisation au pape, puis au roi Louis XIII et à son épouse Anne d'Autriche de pouvoir construire un véritable séminaire, donc de créer des bâtiments. Donc Anne d'Autriche va être vraiment partie prenante dans ce projet puisqu'elle va venir poser la première pierre en 1642 et pour cela il va falloir aussi racheter des terrains dans le centre de Nanterre et ce collège va occuper plus de 10% de la surface du village de Nanterre. Donc c'est vraiment une révolution villageoise, urbanistique, économique et démographique. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, on a identifié essentiellement le bâtiment principal qui est le corps de logis. Le corps de logis avec ses caves. Le corps de logis, il faut savoir que c'était un grand bâtiment qui faisait 70 mètres de long et 12 mètres de large. Donc on en a une partie qui est préservée. Il n'est pas préservé partout puisque à certains endroits, il n'y a plus que la rase des caves. Mais l'endroit que nous avons décidé de fouiller dans le cadre d'une fouille programmée, et conserver le rez-de-chaussée de ce corps de logis. Avec, il y a un escalier qui mène aux caves, on a un sol pavé, on a différents éléments. Mais ce qu'on a trouvé également, ce sont les restes des maisons antérieures à 1642, ces maisons qui ont été détruites pour laisser place au Collège Royal. Donc, du coup, on se retrouve avec des éléments architecturaux antérieurs à 1642 qui n'existent sur aucun plan, puisque le plan le plus ancien de Nanterre que nous avons, il date de 1688 et il figure déjà le Collège Royal. Nicolas Semelian, merci beaucoup. Puis je rappelle que vous fouillez en juin et que vous faites des portes ouvertes, notamment lors des journées européennes de l'archéologie. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique d'Ali Yaha et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.